C'est dans ma galère que la gonne tout m'a quitté. C'est dans ma galère que la gonne tout m'a quitté. C'est dans ma galère que la gonne tout m'a quitté. Quand j'avais un peu, matin, midi, soir, on était ensemble à la rue Princesse. Au milieu maquillot, à salle faut payer les poulets. L'argent est fini, en tout a changé de côté. Waribanga, elle a changé de côté. Le son de Francis Mercier avec le premier Gaou, qui n'est pas le dernier. On poursuit avec Dua Lipa dans quelques instants. La BO de Barbie, 1 milliard au niveau du chiffre d'affaires. C'est juste énorme au niveau du box-office. On va peut-être en reparler avec Raphaël Kayat, qui ne va pas tarder à débarquer avec le journal de la mi-journée. Entre 13h et 16h, je viens de croiser JM. Très content, beaucoup de souvenirs. 16h-20h, Laurent Courreau. 17h30, c'est le retour, c'est la reprise, bien sûr, de votre part, des supporters, avec l'OM, avec Marc Galli, qui sera bien accompagné tout à l'heure en fin de journée, avec Jacques Baye et Steph Martins. On y revient tout à l'heure. Bienvenue, Maritima, midi. Maritime Info, Raphaël Kayat. Bonjour Raphaël. Et bonjour Jeff, bonjour à tous. Le bilan matinal des pompiers au lendemain de l'incendie de Rognac, la visite du pape qui se précise à Marseille et enfin un mot de cinéma avec un nouveau record battu. Allez, on démarre. Raphaël, avec les pompiers qui sont toujours postés en surveillance sur le plateau de l'Arbois, au nord-est de Rognac. C'est là que 22 hectares de végétation ont brûlé hier dans un feu nourri par le Mistral. Les pompiers ont pris la menace très au sérieux. 490 hommes étaient sur place au plus fort de l'intervention, appuyés par des moyens aériens. On fait le point avec le capitaine Agopian. On était vraiment sur une journée compliquée hier avec énormément de vent, 80 km/h de vent. On a pu mobiliser environ 490 personnels et des moyens nationaux qui sont venus nous épauler. Donc on avait les pompiers des Bouches-du-Rhône, mais également les pompiers de l'Île-de-France et du sud de la France, du sud-est de la France, appuyés par des moyens aériens nationaux et départementaux. Les gars ont vraiment bien travaillé cette nuit, qui a permis de juguler tous les points chauds, d'éteindre, de traiter les lisières. Le noyage est toujours en cours, mais aujourd'hui on est plutôt sur une phase de dégraissement du dispositif. Ça veut dire que le danger est toujours présent, mis à part qu'avec les moyens que l'on met en place, il est maîtrisé. Et on poursuit ce journal, hein, Raphaël. Oui, j'allais justement dire que c'était le capitaine Agopian qui répondait aux questions de Hervé Rico. Avec la vigilance incendie qui est toujours de mise en ce lundi. Oui, elle est maximale. Météo France place les Bouches-du-Rhône en risque feu de forêt très élevé pour la 4e journée consécutive. C'est le degré d'alerte le plus important qui existe. Pensez donc à faciliter le travail des pompiers et à ne pas démarrer de feu par inadvertance en jetant un mégot dans la nature ou en allumant un feu près des massifs forestiers. Ils sont d'ailleurs tous fermés au public aujourd'hui, excepté l'Étoile, la Sainte-Baume et le Garlaban. Et puis, des milliers de touristes ont découvert la gare Saint-Charles ce week-end et ces montagnes de déchets. De quoi gâcher la belle vue vers Notre-Dame de la Garde. Une grève est en cours chez les salariés de Laser Propreté qui dénoncent des lasers impayés et parfois retardés en juillet. Ce n'est pas la première grève qui touche le ramassage des déchets à la gare Saint-Charles. La dernière datait du mois de juin. Elle avait contaminé les stations de métro de la RTM et les syndicats menacent de recommencer en cas d'échec des négociations avec la direction. On va rester à Marseille avec une visite très attendue. Celle du pape François. Il a réalisé une grande messe devant 1,5 million de pèlerins hier au Portugal et a rappelé que sa prochaine visite française se déroulera chez nous, à Marseille. Le pontife sera présent dans la cité phocéenne les 22 et 23 septembre prochains. Adrien Etiamble nous donne son programme détaillé. C'est un programme chargé qui attend le pape François pour sa visite à Marseille en septembre prochain. Le souverain pontife sera accueilli par le président Emmanuel Macron à l'aéroport de Marseille. Il prendra ensuite la direction de Notre-Dame de la Garde pour une prière avec le clergé diocésain, suivi d'un recueillement au monument dédié aux marins et migrants perdus en mer, une des grandes causes défendues par le pape. La journée du 23 septembre sera également riche en rendez-vous. Dans la matinée, le Saint-Père s'entretiendra avec des personnes en précarité économique à l'archevêché. Il se rendra ensuite au palais du Pharo pour donner un discours et participer à la dernière session des rencontres méditerranéennes organisées cette année à Marseille. En fin de matinée, il s'entretiendra en privé avec le président de la République, Emmanuel Macron. Pour conclure sa visite, le pape célébrera une grande messe au stade Vélodrome, sa première en France, l'occasion pour lui de rencontrer les fidèles français. La visite du pape s'annonce historique à Marseille. Maritima sera évidemment sur place pour vous faire vivre l'événement en direct. Puis la garde à vue continue pour 4 hommes au Cap d'Agde. Et parmi eux, le gérant du Luna Park. C'est dans ce parc d'attractions qu'un jeune homme de 17 ans a trouvé la mort samedi soir. Il était suspendu dans le vide et aurait heurté un obstacle à cause du vent. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Et on termine, comme promis, avec quelques mots de cinéma. Et oui, je sais que ça te fait plaisir, Jeff. Bien on va sûr. Peut-être parler de Barbie avec du rose plein les yeux. Ah oui. Le film a battu évidemment un record. Il a dépassé ce week-end le milliard de dollars au box-office mondial. Et le record, en fait, il concerne la réalisatrice, donc Greta Gerwig. C'est la première fois qu'un film dépasse le milliard de dollars au box-office avec une réalisatrice à sa tête. Donc bravo à elle. On notera qu'en France, c'est la troisième semaine de diffusion. Ça pourrait bien durer puisque le film fonctionne très bien. Il a déjà fait 3 millions d'entrées et ça devrait encore monter. Oui, ça va encore grimper. Bon, alors cette semaine, rien à voir, c'est Gran Turismo qui sort. Là, c'est plutôt très masculin, mais bon, hein, écoutez, on va en profiter. Comment ça, on peut pas aimer les voitures sur une femme, c'est ça? mais c'est pas ça, c'est que le héros, c'est un garçon, justement, oui. c'est pour ça, quoi. Fan de, justement, de jeux vidéo, c'est un garçon qui est fan de jeux vidéo et qui va se lancer, justement, vraiment sur les circuits. C'est tiré d'une histoire vraie. Voilà, donc petite précision. Donc en plus, on pourra le découvrir en IMAX au Pâté à Plan de Campagne ou à la Joliette ou au Palace. On aura des invitations. Vous voulez tu veux des places pour pourquoi pas. Écoute, alors je te donne Maritima Cinéma 7 14 15. Faut jouer par SMS. Voilà. Ok. Eh ben ça va. Ça va. Tu me passeras au-dessus de la liste, hein, s'il te plaît. non, pas du tout. Bon allez, courage ça à va, toi. Ça va. Bon après-midi et retour de l'info tout à l'heure dans l'après-midi avec notamment Laurent Courreau pour vous accompagner. JM dès 13h. La météo du 13 sur Maritima avec France Piscine Composite à Istres. Encore un ciel voilé pour ce début d'après-midi, retour des éclaircies. Aux alentours de 15h-15h30, on est précis avec les prévisions de Paul Marquis. Les températures, pas plus de 28 degrés attendus cet après-midi. Marseille, Martigues, Aubagne et Marignane, avec toujours un Mistral qui va souffler jusqu'à 80 km/h. Prudence, retour d'un temps estival, on croise les doigts pour la fin de semaine. Maritima, la météo du 13, avec France Piscine et groupe Abri Piscine à Istres. Fabricant et installateur de coques polyester depuis plus de 20 ans. Zédi du Tubé à Istres et sur francepiscinecomposite.com. Ici, c'est Maritima. Maritima. Maritima. Au cœur de la Provence. Au cœur de l'été. Tonight, I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. 'Cause every.

naître par la volonté de Dieu. Dans la misère et les rires, j'avais tout à gagner. L'envie de crier, de devenir le premier, échappé à mon destin. Je savais que jouer me donnerait la joie d'aider tous les miens. J'ai commencé. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer que lo hizo adicto al deseo de usarlo otra vez involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. J'ai commencé y dijo Mano de Dios, Maradona. Je sème la joie dans les cœurs.

Génération Maritima. Forget gonna run till your little boy freaks. Passer son diplôme, se poser des questions, se chercher, chercher des solutions, rencontrer les bonnes personnes, découvrir l'armée de terre, être prêt, s'engager. Vous venez de passer votre diplôme, l'armée de terre recrute dans plus de 16 domaines d'activité. Venez nous en parler en prenant rendez-vous sur s'engager.fr. Rendez-vous incontournable de l'été marseillais. Le karaoké géant revient le 18 août au Parc Longchamp. De 17h à 22h30, vous pourrez chanter, danser et retrouver vos tubes préférés dans un cadre enchanteur. Venez en famille profiter de ce moment convivial. Sur place, vous pourrez pique-niquer et vous restaurer. Retrouvez toutes les informations sur marseille.fr. Pour votre santé, bougez plus. Vous voulez Roche-Mazet cet été ? Clairement Rosé, le rosé clair de Roche-Mazet, avec un tartare de tomate burrata. Clairement Rosé, le rosé clair pour toutes les saveurs de l'été. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Les summer parties du HD sont là. Venez faire la fête dans une ambiance festive et conviviale. Tout le monde le sait, les meilleures soirées se passent au Club Happy Days, la plus grande discothèque de la Côte Bleue, et on prolonge le plaisir tous les vendredis et samedis avec le passage aux horaires d'été de 23h à 5h du matin. Le Happy Days à Châteauneuf, info Reza au 04 42 79 96 05 sur Facebook et Insta Club Happy Days. La direction se réserve le droit d'entrée. Tenue correcte exigée. Entrée gratuite pour tous les week-ends au Happy Days. Tu as vu ? Burvalet baisse ses prix pour la rentrée. Quoi ? Oh, c'est un super plan ça ! Oui, ils baissent leurs prix sur une sélection de produits. Et ça peut aller jusqu'à moins 60%. Il y a des surligneurs, stylos, classeurs et plein d'autres produits. Wow, jusqu'à moins 60% sur de nombreux produits. Bah, je t'accompagne chez Burvalet, hein. Moi aussi ça m'intéresse. Burvalet, on met la barre très haut et les prix très bas. Offre valable du 7 au 19 août sur une sélection de produits indiqués par un prix barré. Conditions et magasins participants sur bureau-valet.fr. Attention, le Family Park est de retour comme chaque année sur l'esplanade des arènes à Fos-sur-Mer. Venez faire le plein de sensations, d'émotions et d'éclats de rire au Family Park. Des manèges, des attractions pour petits et grands. En famille ou entre amis, le Family Park, le rendez-vous incontournable de votre été. Ouvert tous les soirs à partir de 20h30. Vous avez des projets ?

fantôme, fantôme de l'amour. Ceux qui en a courant d'air passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en veux plus, j'ai trop souffert. Me prier, je vais rester, je vais me battre et j'en suis fier. Je me donnais la foi, brûle le fond de moi. J'ai dans le cœur force qui ne m'est pas. Je me donnais la foi, à qui je ne sais quoi. Bienvenue chez nous, on est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence et il y a certaines choses qui ne changent absolument pas, comme le plaisir pour moi de vous retrouver déjà, et ce qui ne change pas non plus, c'est les souvenirs de l'après-midi Génération Maritima jusqu'à 16h avec de jolis cadeaux également, puisqu'on parlera tout à l'heure par exemple de ce moment unique avec Imagine Dragons à Paris à la Défense Arena. Je vous en reparlerai dans quelques minutes. Pour l'heure, les Big Flo Yoli, je vois venir Bonnie Tyler aussi, en plein cœur des années 80, Holding Out for a Hero, c'est sur Maritima. Il est 13h, bonjour. Les concessions Ford, groupe Morin, à Aix-en-Provence, Marseille, Vitrolles, Martigues, Aubagne et Manosque, vous donnent l'heure. Génération Maritima. Maritima. Maritima. Where have all the good men gone?

exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus, brûle ce que l'on adore et réchauffer ses corps au soleil. Exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus, brûle ce que l'on adore et réchauffer ses corps au soleil. M'exposer. On se souvient de tout. Maritima. Génération Maritima. Saturday night. Gonna have myself some fun. Down Saturday Night. Oliver Sheetham, bien sûr, c'est sur Maritima. Génération Maritima, c'est tous les après-midi. On adore vous dépoussiérer de très jolis classiques de la musique. Par exemple, tout à l'heure, Pascal Obispo avec Natacha Saint-Pierre, chanteuse non pas québécoise, mais canadienne. Elle vient précisément du Nouveau-Brunswick, donc elle n'est pas québécoise. Pascal Obispo, Mourir demain. Pascal Obispo qui s'apprête à fêter 30 ans de carrière pour la petite histoire, avec une tournée qui commencera en octobre prochain. On va l'inviter. On va se souvenir également de Brandy et Monica qui semblaient répondre à Paul McCartney et Michael Jackson. On se souvient du duo de Michael Jackson et de Paul McCartney qui disaient « The girl is mine », elles avaient un peu inversé la tendance. « The boy is mine », Brandy et Monica, c'est la suite et c'est sur Maritima. Maritima. Maritima. Maritima. Maritima. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well alright. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? See? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just cause I shot her. Just cause I shot her down. Alright. We'll be right back.

Station Maritima pour écouter ça. She yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car, and you're talking to me one on one. But you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying. You look like a fool to me. Tell me, why the hell they gotta make things so complicated? I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. Promise me I'm never gonna find you faking. No, no, no. You come over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. La radio officielle de vos vacances. Maritima. Excellent après-midi, Maritima est dans votre radio pour vous accompagner autour de l'étang de Berre, Marseille ou encore à Aix. Maritima, vous nous retrouvez alors sur la bande FM, ça va toi, mais également sur maritima.info, le site internet de la radio pour ne rien manquer. Par exemple, des bons plans sortis dans la région pour les jours prochains. Pensez-y. Maritima, Could It Be Magic? C'est Donna Summer. C'est marrant, ça avait été repris en français par Alain Chamfort qui en avait fait Le Temps qui court. On écoutera Donna Summer, on va retrouver DJ Snake également dans les prochaines minutes et puis on ira faire un petit tour du côté de la Malacadou. Vous restez avec moi surtout. Maritima, au cœur de la Provence. Maritima, Marseille. Maritima.

vacances avec Maritima. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel